boycotter. DEZ, VINZ. Aïe aïe aïe. Eh, eh. J'ai la vie belle, on me crève mes roues, mais ça m'empêche pas d'avancer. J'pense futur, j'vis le présent, et j'oublie pas le passé. J'suis sorti par césarienne, peut-être parce que j'suis si pressé. Bah ouais. Fini le THI, maintenant c'est une club pour déstresser. Viens pas nous bassiner, boycotter, va te mettre la fessée. La foi non pratiquant, mais mon texte pour se confesser. Bah fini oui. La tête baissée, j'vis très haut, j'viens tout baiser. Et avec les vrais, j'vais respecter. Boycotter, gros, on fait que se répéter, sachant qu'on quittera pas le palier. 22 piges, 4h05, j'suis né le 7 juillet. J'ai la haine et j'ai la rage de voir trimer les ouvriers. Y'a de quoi devenir terreau, des bombes à pour les réveiller, ils montrent que le mal à la télé, puis les bons sont mis de côté. Fais pas le foulex si tu trembles et tu te mets à bégayer. TEZ, ma gueule, il manque la rame pour pagayer. Boycotter, boycotter, ouais, ouais, ouais, boycotter. Ça va, ça vient, et nous, tu sais, on essaie de faire ça bien. Une pincée de main, en espérant que tout ira mieux demain. Chacun son chemin, en attendant, j'essaie de rester plus proche des miens. On mène une vie chien, mais tu sais, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et nous, tu sais, on essaie de faire ça bien. Une pincée de main. En espérant que tout ira mieux demain, chacun son chemin. En attendant, j'essaye de rester plus proche des miens. On mène une vie de chien, mais tu sais, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Et nous, tu sais, on essaie de faire ça bien. Une pincée de main. En espérant que tout ira mieux demain, chacun son chemin. En attendant, j'essaye de rester plus proche des miens. On mène une vie de chien, mais tu sais, ça va, ça vient. Je commence par t'exposer ma vision des choses. Ma zika le dollar, j'elle supporte le poids de mes songes. Trahison, mensonge, mon cœur absorbe comme une éponge. L'eau a coulé sous les ponts. Il est facile de perdre la raison. Elle est loin de l'époque du collège et la nostalgie des. J'ai vu toutes sortes de drogues, j'connais la rue et ses codes. Plus pour qu'on monte la falaise en nous, une main ou lance une corde. Je stack, j'fais rien de ma vie, j'ai tant de voir changer le décor. Ah ouais. Ambiance morbide, cours vite, quand vient la vue des ports. J'élabore avec précaution, des plans pour mon avenir. Avant de voir venir ma chute des cheveux et mes premières rides ridicules. À force de force, c'est pour avancer, je recule. J'ai des rancunes et plus d'une, donc j'fais du mal pour des thunes. J'suis têtu, faudrait que j'me calme avant qu'on me tire dessus. J'suis déçu, faudrait que j'prenne le dessus. Mais faut que j'dessoule, des sous on en veut tous. Mais y'a trop d'avares comme Picsou. Ça va, ça vient. Et nous, tu sais, on essaie de faire ça bien. Une pincée de main, en espérant que tout ira mieux demain. Chacun son chemin, en attendant, j'essaie de rester plus proche des miens. On mène une vie de chien, mais tu sais, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et nous, tu sais, on essaie de faire ça bien. Une pincée de main, en espérant que tout ira mieux demain. Chacun son chemin, en attendant, j'essaie de rester plus proche des miens. On mène une vie de chien, mais tu sais, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Et nous, tu sais, on essaie de faire ça bien. Une pincée de main, en espérant que tout ira mieux demain. Chacun son chemin, en attendant, j'essaie de rester plus proche des miens. On mène une vie de chien, mais tu sais, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Et nous, tu sais, on essaie de faire ça bien. Une pincée de main, en espérant que tout ira mieux demain. Chacun son chemin, en attendant, j'essaie de rester plus proche des miens. On mène une vie de chien, mais tu sais, ça va, ça vient.